Un quartier d'années pour damer, il faut vendre son armée. Poussé à bout, j'ai fait les 400 coups. Le tiercar m'a mis la pression, boy m'a rendu fou. Oh my god, mafia tressée dans la place. 88.2, original bombe attaque. À l'instant, c'était la mafia tressée pour l'excellent freestyle. Oh my god, et puis pour tous ceux qui ont kiffé ce freestyle à l'époque, on retrouve un inédit, une nouveauté, c'est le flow qu'il te faut. Avec Awax, Daddy Lordsy, OGK, Yannick, Al Primera et bien d'autres invités encore, c'est 88.2, la radio qui te flingue.